Un symposium international consacré au 70e anniversaire de la fondation de l'Université Gimelson a eu lieu les 29 et 30 septembre sous thème « Développement scientifique et progrès social ». Des centaines de thèses scientifiques et techniques de valeur susceptibles de contribuer au progrès social de l'humanité y ont été présentées. L'ouverture a eu lieu le 29 septembre à l'Université en présence des cadres intéressés, des cadres, des enseignants, des chercheurs de l'Université, des délégations et délégués des écoles supérieures, des établissements d'études et des organisations de divers pays, de la délégation de la Grande École coréenne de l'Association générale des Coréens au Japon, des membres des représentations diplomatiques et des institutions internationales en Corée. Dans le cadre du symposium, ont été organisées les sections de la science sociopolitique, de la science économique et financière, de la littérature, de l'histoire, de la linguistique, des mathématiques, de la physique, de la science de la vie et de l'environnement. La clôture tenue le 30 septembre a adopté une lettre adressée au respecté camarade Kim Jong-un. L'université a offert un banquet en l'honneur des participants au cours du symposium.